Le bâtiment c'est un four. Allez leur dire qu'on veut le racheter. S3 sur la A7, je rejoins Darka à la casté. Un gilet par balle peut rassurer l'homme. Je connais tout le monde plus dans le front gros. C'est plus comme à l'époque des franco. Les euros nous ont tous rendu fous, ouais. Money, money dans la cabeza. Voilà, faites pas les hommes, vous touchez pas les armes. Ouais, si on n'aime pas trop les hommes. Donc on le sort avant que tu le sortes. Et c'est le drame. Clicose à chaque fois que tu payes. Tu veux jouer les mères, n'intéresse qu'est payé. Tu pas beau capéra, t'es mort dans la tête. T'es comme Tiro, Timacio, au bois de bâtard. J'avais pas tort que des acteurs. Je veux les voir morts, je veux le pactole, je veux le castar. Et va tes mères, tu t'as en camda. Tous normal, tu rembourses. On t'embrasse la calache. Toi qui rêves, fais une belle mort. On va fumer dans ton palace. Bye bye. Bye bye. Tu ne sais pas à qui tu parles, alors laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas en danger. C'est moi le danger. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi? Non. Je suis l'homme qui frappe à la porte. Toc toc, y'a de leur visite. C'est nous déguisés en filsé. Je suis dans le bateau d'Universal. Je vais les faire seuls, je dors à Versailles. Elle veut pas tenter une petite bite, t'as une petite mine. Mes skins. Après Poutine, tu es à Moscou. On vient pas masquer, tu vaux pas le coup. On envoie, tu peux tirer. T'as voulu t'aventurer. T'es mort, direct. Nous c'est notre département le plus criminel de la frontière. Ça remonte des mecs fuck la guardia. Équipe de Bilka c'est la mancha. On a croisé ta femme en fumant. Pourrait raconter toutes vos histoires. On passe dans son état de lumière. Sœur, écoute sur mon cellulaire. Passe par la brute et pas à l'abri. On va traquer tes économies. T'es là toute la nuit, on n'a pas dormi. Je veux pas que tu m'achètes, donc j'augmente le prix. Ouais, tu as pas le temps, alors ça pue. Ne tends pas ton bras, tu vas finir amputé. Ne prends pas ses patins, laisse-le se faire buter. C'est le G. C'est le G.